Je veux en être délivré à cette haute lumière blanc plus blanc. Jésus, viens sur moi, délivrance. Si tu peux calmer ma souffrance, au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Jusqu'à la mort et la mort.